Écoute une deuxième fois le riff en mode ralenti. Le thème c'est mais ça dans ton kin ne touche pas à la famille, ne vois pas nos origines, c'est tout. Parle pas du mal de nos pays, le style est cité d'or. Moutsawal Galonai, peut-être elle est mort. On représente nos Maziwa dans le respect, dans la joie. Moueli Yazicha, Zouali Mayana. Ils disent trop de mal, trop de choses qui font mal. Et puis demain, ciao ciao, ils se font tous la mal. On dirait que Maziwa pour ça roule tous un Gazidja. Mais fuck tous ces gens-là, mais fuck tous ces regards. Y'a trop de blabla, écoute, mais stop là, regarde au fond de toi et imagine. Nos pères, grands, nos mères, grands des Maziwa sont nos descendants. Relativise et réalise qui je vise, mon flow est en crise. Mais ça dans ton kiwas, Rina Tsena is still hey. Mais ça dans ton Richa, Mika Icho Kir hey. Bas, Haraka, Renga, Me Isi Jifa. Baka Ucho Sumana, Wasira Himona eh. Mutsa Ufaya Nor, Kwa Ele, Wa Basi Nisi Haleza, Tamboza Wajimaza. Na watu warongo wa, amba kaza wapasa. Nisi wava marongo, zero nangizi wanafika. Sinti sinti mchuwani, Mesa, Dato Ki. Sinti sinti mayana, Mesa, Dato Ki. Sinti sinti mweli, Mesa, Dato Ki. Sinti sinti ngazi cha, Mesa, Dato Ki. Sinti tusha za matal, Mesa, Dato Ki. Sinti sinti wenka, Mesa, Dato Ki. Sinti fuga na sisi, Mesa, Dato Ki. Mesa, Dato Ki. Mesa, Dato Ki. Leur vale un mot de français pour ceux qui n'avaient pas bien capté le maori en mode. Asmani wari me mwiru avuli nata fasuru atawa jima za waru mbomba kakazaki. Faut pas test, les 4 c'est le comorien. Même si t'es pas d'accord, toi aussi t'es un comorien. Nous allons de l'or, alors mec t'as peur. Et quand tu en veux encore, je t'en donnerai du hardcore. J'en place une pour le refrain de Moroni à Mamoudzou. Et une pour le refrain de Fomboni à Mzamoudou. Pas besoin de me présenter, mon flow tu le connais. Toi qui pars mal pour rien dire, renseigne-toi sur l'histoire de nos ancêtres. Descendants des îles sultans, batailleurs. Je veux que ce secteur vienne pas tester les îles Comores. Tellement je te faut qu'avec mon flow, si tu pars mal des cités d'or. Justement, bienvenue aux cités d'or. Encore une fois, nous vous voilà sur la scène comme d'hab avec des rappeurs Maziwa. Ciao, dame, les carros, ma voix malabé. Et qu'on c'est mon ami, la tourne à Moura ou stoppé. Ni Kouabi, Yamana, Amba, Wafiri, Nice Steel. Tu peux pas tester, tester, tester les 4 styles. Comme l'a dit Alias, Wasiwa, Jaouri, Naujous, Komoria, Mariana, ensemble, il existe. Si t'es sur ton Chouani, Mesa, Dato Ki. Si t'es sur ton Mariana, Mesa, Dato Ki. Si t'es sur ton Mouéli, Mesa, Dato Ki. Si t'es sur ton Gazi Cha. Mesa dans ton ki, si tu touches à sa mentale. Mesa dans ton ki, si tu es sur ton Wenka. Mesa dans ton ki, si tu fais que nous existons. Mesa dans ton ki, Mesa dans ton ki, Mesa dans ton ki. Mesa dans ton ki, Mesa dans ton ki, Mesa dans ton ki, Mesa dans ton ki. Si tu touches à sa mentale.